Qui vous y canaille, n'a silici en bonne ambiance, n'a comme Coliana Bangulo, Cola la cacana Bangulo, Nathalie Boyengana lobby, n'a zonga d'aqua babotier, Nathalie Boyengana lobby, n'a zonga d'aqua baboti nanga. Imao, naye naye swe, bote na miko, Nayo, na zongi d'aqua. Bote na miko, nda yo yo, na ye na ye. na kibila Binga mambo ni Zamba manga kwa sana na ye Mambo li kutika nzambe Kongo dewa ni manga kwa sana kandambo ye Abiki Zambe na kandambo ye wakana Papa Charles Mumba ya kelele kuso Kelele kuso nzamba pambula yo Atombo la kaba kwe ye O nzamba pastor Richard Tongo zongi sena ye Zamba Pasteur Claude na Kimpese Zamba Pasteur Leonard Wemba Zamba Pasteur